toi on se met à dos. Un de nos frères dans nos têtes, on est peut-être un peu ado. La vie nous fait pas de cadeaux, on veut tous croquer une part du gâteau. Chacun son fardeau sur son dos. Allô, allô, matelot. Si l'État sort son paquebot, frère, c'est pour mieux nous mener en bateau. J'ai bu un Chivas de trop, une cagoule, un revolver dans mon sac à dos. Je vais lui faire passer un sale quart d'heure. Faut pas mettre le nez dans mon armoire. Les mecs que j'ai sur le dos me font gaulerie. Stupide de croire à ces conneries. Ils cherchent mon lingot d'or, mais il dort dans un coffre-fort. Baiser un frère ne rend pas plus fort. Le retour de flamme ne sert plus à corps. Je marche un œil dans le dos, car les traîtres sont tout près négro. Si je bicrave, c'est que j'ai les gros. Aucun problème avec mon ego. C'est mentir de dire qu'on est tous égaux. Tous des roux, car on fait tous des faux. V'là un flot de salaud. Parfois, il faut se mouiller, frérot, tous à l'eau. Toujours frais, normal, je tourne à l'eau. Il faut réfléchir avant de dire allô. Une vie crado. On aime se fouetter, on est peut-être un peu sado. Seul dans mon radeau. La vie vire à la survie, c'est pas une rando. Mon assurance vie, c'est mon flingo. Un 44 de dingo, made in Panam negro. J'ai du bif à faire, mes frères. Ciao.